Donc, d'abord, je vais te demander de te présenter. Aitziber Zapirai naiz, Santxeta irratitik nator, Hendaiatik. Donc, je m'appelle Aitziber Zapirai, je viens de la radio Santxeta Irratia et je viens d'Hendaï. And my name is Marine Buisson, I'm working for Near FM and I'm French actually. Tout d'abord, est-ce que tu peux expliquer très brièvement qu'est-ce que c'est que Santxeta Irratia? Santxeta Irratia Hendaian dagoen irrati elkarte bat da. Orain dela 12 urte sortu zena, bereziki euskararen normalkuntza prozesuan eragile aktibo bat izateko eta beti ere Gipuzkoa eta Lapurdiren arteko lotura modu naturalan egiteko. Santxeta Irratia est une radio communautaire qui est installée à Hendaï, qui produit des émissions surtout en langue basque et qui a sa zone de diffusion sur le côté nord et sud du Pays Basque, donc près de Hendaï du côté français et près d'Hendaï aussi du côté sud. I didn't catch the name of the radio, I'm sorry, but... Santxeta. Santxeta. Santxeta Irratia. Santxeta Irratia, okay. Santxeta, you can say Radio Santxeta. Radio Santxeta, so it's a community radio, broadcasts in French and in Basque? In Basque, only in Basque. And where do you broadcast? In Hendaya, and... Comme c'est une zone transfrontalière, elle diffuse. Okay, so it's close to France, yes. And so it broadcasts in France and in Hendaya. That's right, in the French Basque country. In the French, Spanish Basque country. Okay, so in the French Basque country and the Spanish Basque country. où est-ce que vous trouvez actuellement, et pourquoi faire? Hemen nago, okay. Bai. Une honetan Belfasten aurkitzen gara Irlandan, gure Grundvik proiektu batekin, eta helburua da hizkuntza gutxituak eta migrazioko hizkuntzak nola lantzen ditugun irratietan aztertzea. En ce moment, nous nous trouvons à Belfast, donc à Irlande du Nord, ou le nord de l'Irlande. Nous sommes en train de développer un projet Grundvik dont le sujet sont les langues minoritaires et les langues minorisées et les langues de l'immigration. Okay, so today we're in Belfast in Northern Ireland and we're working on the Grundvik project. It's about how minorities and language from the immigrations are used in the radio. Quel est l'intérêt de participer à ce projet pour Santxeta Irratia? Interesa du euskara hizkuntza gutxitu bat delako eta bestaldetik bizigaren tokian migrazio handia dagoelako eta Santxetak kulturanistasunaren alde egiten duenez berea sustatuz guztiaren uztarketa aztertzeko. Donc c'est intéressant pour Santxeta Irratia parce que la zone de diffusion de Santxeta Irratia est une zone où il y a une langue minorisée, c'est-à-dire c'est la langue basque. Okay. It's interesting for Santxeta Radio because the part of the country where we're broadcasting has a minority language, the Basque. Mais aussi parce que il y a un taux d'immigration assez important, donc il y a différentes communautés qui vivent là. Et comme nous sommes un projet ouvert à toutes ces communautés, on veut leur tourner aussi du temps d'antenne. And also because there's a lot of immigration and we are interested in these communities and we want them to speak out and have their place. Yeah. Found their place. Est-ce que c'est intéressant aussi de voir comment travaillent d'autres radios européennes? Bai, interesgarria da bakoitzak jarrera ezberdin batekin lantzen duelako. Guk adibidez argi eta garbi dugu euskarari lehentasuna emateko ideia, beraz dena itzultzen dugu euskarara, soilik ordutegi berezi batean, 10etatik 11etara, eta beste batzuk aldiz ez dute deus itzultzen, errespetatzen dituzte hizkuntza migraziotik datozen hizkuntzak, baina kasu gehienetan dira hizkuntza nazional bat dutenak eta ofiziala eta errespetatua, beraz gurea da kasu hori. Oui, c'est intéressant de voir les expériences des autres radios. Et il y a deux types de catégories. So of course it's interesting to see how the other radios are working, and there's two categories. Donc celles qui, comme nous en Cetek Ratia, ont une langue minorisée, une langue locale mais minorisée, comme la langue basse, mais ça peut être l'irlandais en Irlande. So for us at in Cete, it's like we have the Basque, so that's a minority language, and here in Ireland it will be Irish or Gaelic. Mais il y a aussi d'autres expériences très intéressantes comme la radio autrichienne, Radio Fro. But there's also different interesting things to see in other radio, like the Austrich radio, Radio Fro. Qui donne la parole à plus d'une douzaine ou une quinzaine de différentes communautés d'immigrés. And in Radio Fro, they allow different category of immigrants to speak, like 12 or 13. That's right. Yes. Et donc, bon, ça démontre que le multilinguisme a sa place dans les radios communautaires. And then it shows that multilinguism has like its place in community radios. Est-ce que ça vous donne, pour terminer, est-ce que ça vous donne des idées pour développer d'autres façons de procéder à Radio Ancete Gratia? Ideia baina gehiago da besteen esperientzia ezagutzea, zeren guk gure ideia oso argi dugu, funtzio bat betetzen dugula, uste dugulako euskararen normalkuntzan, baina bai behar bat zergaitik ez gehiago landu, gehiago jakinarazi gaueko tarte hortan atzerriko edozein hizkuntza sartzen aldela. Da teknikoki? Bai, teknikoki behar bada itzulketa mailan landu beharreko gauza bada gehiago, zeren ezin da dena literalki itzuli, orduan behar bazterketa bide bat ireki daiteke. Donc, oui, bon, nous avons nos idées très très claires, donc c'est difficile que notre projet se développe autrement que comme il est actuellement. In NCT Radio, we know what we want, so it's going to be difficult for us to make things differently. Mais par exemple, techniquement, on peut apprendre des autres projets pour tout ce qui est par exemple les traductions simultanées, traductions tout court. But technically speaking, we can learn about the other radios. For example, for the traduction and translation stuff. Et donc voilà, c'est pour nous une ouverture et bon voilà, c'est la partie qu'on va essayer de développer. And for us, it's really nice thing to open up to people and learn from them, and we are going to try to develop this. Est-ce que, pour terminer, dernière question, est-ce que les projets Grundvik vont avoir un futur dans Ancete Gratia, est-ce que continuité? Nik uste dut baietz, azkenean ezin delako norbera bere txokoan gelditu eta egitasmo hauek aukera ematen dute inguruko herrialdeetan zein esperientzia garatzen diren ikusteak, eta horrek aberastasun handia ematen dio tokiko proiektuari. Moi je crois que oui, parce que ces rencontres-là sont dans les deux sens, c'est-à-dire aussi bien pour connaître les autres projets comme pour faire connaître notre projet, un très très bon moyen. So I think the Grundvik project will have a future because it's a good way to learn about new projects and to show our project to other people. Et bien sûr aussi et bien sûr aussi, et bien sûr aussi, et bien sûr aussi. Ah oui, on va essayer de développer d'autres projets dans le cadre de Grundvik. And we are going to try to develop other projects for Grundvik.